Chez Gallimard, dans la collection Bibliothèque des Histoires, une réédition de Histoire de la folie à l'âge classique par Michel Foucault. L'ouvrage est tellement important que je pense qu'il faut absolument signaler cette nouvelle édition. Michel Foucault, est-ce que cette nouvelle édition diffère beaucoup de la première ? Non, absolument pas. Absolument pas, c'est la reproduction textuelle de la première édition, à ceci près que j'ai supprimé une préface pour des raisons que j'ai d'ailleurs expliquées en deux pages, puis j'ai ajouté deux autres textes qui avaient été écrits dans l'intervalle. Mais le livre est resté tel qu'il était. Pourquoi ? Oh, bah bien sûr, parce qu'il aurait fallu le réécrire tout à fait, entièrement, de bout en bout, si j'avais voulu le faire comme j'ai envie de le faire maintenant. Alors, voilà, bien, je supposais que vous alliez faire cette réponse. Oui, c'est la réponse qu'on fait traditionnellement, oui, bien pour sûr. S'excuser de la paresse de n'avoir rien changé. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a là quelque chose qui permet de toucher profondément à la substance du livre. Alors, je pense que vous pourriez dire comment vous avez été amené à le faire et ce qu'il faudrait, pour vous, faire maintenant pour s'attaquer à une histoire de la folie. Et préciser aussi quel est le type d'histoire de la folie que vous avez écrite. Bon, pourquoi j'ai écrit ce livre qui porte ce titre un peu bizarre, Histoire de la folie, pourquoi je l'ai écrit ? Bah, essentiellement parce que je n'ai pas pu arriver à en écrire un autre livre. Un autre livre qui, lui, me faisait rudement envie. Et qui aurait été l'histoire des fous, c'est-à-dire l'histoire réelle de cette population qui, si on la prend, si vous voulez, à partir du XVIIe siècle, n'a pas cessé de vivre, d'exister, de vivre, de se développer dans les marges de notre société, et dont, au fond, on ne sait rien. On sait simplement de quelle manière cette population a été captée, de quelle manière elle a été quadrillée, classée par les médecins. On sait ce que les médecins en ont fait, sous quelle rubrique ils les ont mis, quel traitement, éventuellement quelle punition ils leur ont imposé. Mais au fond, ce qu'ils étaient, ce qu'ils disaient, ce qu'a été ce grouillement, si vous voulez, c'est ça que j'aurais voulu faire et c'est ça que j'ai pas pu faire. Et j'ai pas pu faire tout simplement parce que c'est un grouillement qui est passé sans trace. C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire, aucun souvenir. Je n'ai pu retrouver que le moule creux, en quelque sorte, dans lequel on les a mis. Mais eux-mêmes, la folie, les fous dans leur existence positive, réelle, historique, j'ai pas pu le faire. Si bien que j'ai été amené à faire que j'ai appelé l'histoire de la folie, c'est-à-dire l'histoire de la limite, de la surface de contact entre cette population dont je n'arrivais pas à faire l'histoire, et puis la population, le savoir, la culture institutionnelle, visible, manifeste, qui est celle de notre société. Alors cette surface de contact entre la société officielle, institutionnelle, normale, et puis là, ce groupe, ce fourmillement de gens d'en dessous, c'est ça que j'ai appelé la folie. J'ai voulu faire l'histoire de cette surface de contact. Et voilà. En fait, pour le lecteur, le fou est présent. Pour moi, lecteur, vous avez atteint ce fou que vous auriez voulu atteindre. Et j'ai été très frappé en lisant l'ouvrage par la place que vous avez donnée à un certain type d'iconographie. Vous avez bien signalé, comment dirais-je, la place de la folie chez Bruegel, par exemple. Mmh. Et puis, vous avez longuement insisté sur la nef des fous. Mmh. Et mmh. Oui, et alors là, je me demande si ce n'est pas un phénomène relativement important que celui-là. Au fond, le fou, c'est quelqu'un qui a été vu avant, si vous voulez, d'être entendu. La représentation du fou sur le tableau, ou encore son imitation dans la fameuse fête des fous, ou sa manifestation sur une scène de théâtre, c'est des choses qui étaient courantes au Moyen-Âge, surtout à la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle. Mais ce que disaient réellement les fous, ce qui passait à travers ce masque de la folie, à cela on ne prêtait pratiquement pas l'oreille. Et si vous regardez les discours que l'on prête aux fous dans le théâtre du XVIe siècle, dans le théâtre baroque, regardez les paroles de fous que Shakespeare prête à ces fous, c'est des paroles qui sont complètement fictives et conventionnelles. Et c'est simplement au XIXe siècle, je crois, qu'on a commencé pour la première fois à recueillir. Du reste, on peut dire que dans Shakespeare, au fond, il n'y a pas un fou. Comme justement, il ne prenait que des aspects extrêmement conventionnels. Oui, extrêmement conventionnels. C'est finalement un discours très raisonnable qui est tenu. Oui, parce que alors là, le personnage du fou dans le théâtre de cette époque-là, dans le théâtre, disons, pré-classique, le personnage du fou, il a toujours une fonction. C'est des sentences de sagesse. Très, très précises. Il s'agit de lui placer dans la bouche des paroles plus vraies que la vérité des gens qui ne sont pas fous. Le fou est un voyant. C'est celui qui voit au-delà, qui voit mieux, qui dit mieux, qui, avec une espèce de naïveté qui n'est naïveté que pour les hommes, voit très profondément l'envers des choses, c'est-à-dire leur vérité. Alors cette vérité à l'envers, qui est plus vraie que la vérité à l'endroit, c'est ça la fonction dramatique du fou dans le théâtre, ce qui fait qu'on ne peut évidemment pas parler en aucune manière de la représentation réaliste du langage du fou dans le théâtre de cette époque-là. Le fou n'était pas entendu, on le prenait avec dans une certaine fonction dramatique. Mais moi, une des choses qui m'a intéressé, c'est de savoir, au fond, à partir de quand est-ce qu'on s'est mis à écouter ce que disaient les fous. Et ça a été très tardif. Par exemple, je me souviens avoir lu pas mal de livres du XVIIIe siècle, au moment où tout de même la médecine commençait à bouger. Bien, quand on avait affaire à un fou, on regardait son pouls, on regardait son teint, on essayait de repérer des phénomènes de circulation, on appelait ça engorgement ou irritation, enfin peu importe. Quand un fou mourait, il y a eu des gens pour regarder leur cerveau de très près, une espèce d'anatomie pathologique avant la lettre. Un certain Meckel, par exemple, s'amusait à peser le cerveau des fous. Il avait cru reconnaître que certaines folies allégeaient le cerveau, puis il y en avait d'autres qui alourdissaient le cerveau, etc. Or, dans toutes ces recherches sur la folie, il y avait toujours une chose qui manquait. Jamais on n'écoutait ce que le fou pouvait dire. On n'avait pas du tout l'idée que dans le discours du fou pouvait se cacher l'essentiel de la folie. Or, c'est bien pourtant à partir du discours du fou que l'on fait le partage. Le fou, ce n'est pas celui qui se reconnaît à première vue. C'est celui qu'on reconnaît à première entente, en quelque sorte. Savez-vous qu'à propos du discours du fou, une chose m'a très considérablement inquiété, c'est une histoire qui est vieille, mais que je vais vous proposer néanmoins. Je pense que, bien que sous forme de parenthèse, elle vient au moment. Un de mes amis médecins me pose un jour le problème, il y a très longtemps. Suppose que des infirmiers surgissent, s'emparent de toi, et t'emmènent, et on t'enferme. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où tu comparais, et il rit et me dit, j'emploie le bon terme, au moment où tu comparais devant les médecins. Je tombe tout naïvement dans le piège et je dis, mais j'explique que je me promenais dans la rue, que je venais d'acheter un paquet de cigarettes, que je venais d'allumer une cigarette, que je ne provoquais personne, que je ne poussais pas de cris, que je venais de tel endroit, que je l'ai à tel autre, que j'avais déjà détaché mon ticket de métro, que j'avais mon journal sous le bras. Enfin, j'explique le détail minutieux de toutes les circonstances qui font que j'étais à tel endroit, pour bien montrer que ça n'est pas par hasard, que je n'étais pas en état de vagabondage, pas en état d'errance, que j'allais bien de mon travail à chez moi. Je donne tous les détails pour bien faire comprendre pourquoi je me trouvais là, de façon à ce que le malentendu soit aussi net que possible, et je fais tout pour bien montrer qu'il y a un malentendu. Et le médecin sourit et me dit, qu'est-ce que tu crois qui arrive? Je répète, l'histoire est très ancienne. Je lui dis, mais on me relâche. Il me dit, non, on te garde et longtemps. C'est la chose la plus terrifiante, quand j'y pense, même en riant, que j'ai jamais entendu sur le discours de l'homme dit normal et le discours du fou. Car enfin, il était médecin, il avait raison. Donc, de son point de vue, ce discours que je tenais était bien un discours qui légitimait l'internement. Et quand je vous raconte l'histoire, j'appuie, j'accentue, j'insiste sur cette folie et je continue à penser que le contact humain exigeait cette attitude. Alors où est le discours du fou? Comment commence-t-on à le saisir? Oui, ça, écoutez, vous me posez là une question que vous devriez poser à votre ami médecin ou ceux de vos amis qui sont médecins. Moi, ce n'est pas ça mon problème et je serais incapable d'y répondre. Je veux dire ceci, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, il me semble que le partage qu'on a fait entre ceux qu'on voulait exclure et puis ceux qu'on n'excluait pas, ce partage, il ne se faisait pas tellement à partir de ce que les gens disaient. Ce n'était pas tellement en écoutant ce qu'ils disaient, plutôt en regardant ce qu'ils faisaient, leur attitude, leurs gestes, un nombre de comportements sociaux. L'idée que le discours, c'est cela qui véhicule la folie, et que c'est en écoutant le discours que l'on va pouvoir retrouver les signes pathognomoniques d'une folie, en quelque sorte dans la syntaxe du discours, que l'on retrouve la folie, ça c'est une idée qui est très récente. C'est une invention de la fin du 18e, du début du 19e, et elle a conduit à la psychanalyse. Oui, parce qu'on a restreint un discours à langage, mais à la vérité, mon vêtement est un discours, tout mon comportement est un discours. Oui. Les manifestations extérieures sont des discours et sont des langages que l'on peut codifier. Alors, la différence va être le début du mal. Oui. Je trouve que c'est très très mystérieux la manière dont on est passé de l'observation du comportement, comme vous le dites, à l'observation minutieuse du langage. Et oui, c'est tout mon problème, si vous bien voulez. Bien sûr. C'est ça tout mon problème. Savoir comment, en effet, à partir de mécanismes de ségrégation qui portaient sur le mode de présence, d'activité des individus dans la société, on en est arrivé à cette recherche médicale, ou soi-disant médicale, des signes verbaux de la folie. Bon, ça s'est fait, je crois, dans un contexte social qui a été absolument déterminant. Bon, les fous jusqu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ils étaient fort mal distingués. On n'avait pas besoin de les distinguer d'un certain nombre d'autres déviants, comme les oisifs, comme les vagabonds, comme les gens à idées religieuses non conformes, etc. Bon, finalement, il suffisait d'une sorte de catégorie générale de l'exclusion de tous ces gens qui étaient irréductibles au comportement social moyen, au comportement social requis. Bon, et puis à partir du 19e siècle, les normes de la vie sociale se sont en quelque sorte affinées avec le développement de l'industrie, avec le resserrement en quelque sorte de tout le réseau social. Bon, il a fallu déterminer les aptitudes de chacun à chaque possibilité sociale, de quoi es-tu capable, à quoi es-tu capable. Ça a été cette espèce de situation d'examen général que la société industrielle, que la civilisation industrielle a imposé aux individus. Depuis le 19e siècle, nous sommes perpétuellement en examen, en situation d'examen. À chaque instant se pose la question, que peux-tu faire? De cela es-tu capable? De cette autre chose, est-ce que tu es incapable? À chaque instant, c'est l'examen, à chaque instant, c'est le niveau, à chaque instant, c'est le passeras-tu, passeras-tu pas, n'est-ce pas? Et alors, c'est cela qui a finalement fait proliférer, d'abord, toute une série d'institutions, de triage et d'exclusion, comme sont les écoles, comme sont les institutions d'éducation. Ce qui a fait proliférer aussi les institutions d'internement, d'enfermement, d'exclusion, comme les prisons, comme les hôpitaux psychiatriques, comme les centres de redressement, les bagnes, etc. Bon, qui sont le corrélatif, si vous voulez, de cette situation d'examen général liée aux exigences de la société industrielle. Et c'est ainsi que, de cette masse assez indifférenciée des gens non assimilables, on a distingué la catégorie des fous. Et la catégorie des fous qui se reconnaît, je crois, essentiellement, que l'on diagnostique essentiellement à partir de ce qu'ils disent. Par opposition, si vous voulez, au criminel, qui lui se reconnaît à ce qu'il fait, ou par rapport au débile mental, qui lui se définit par ce qu'il ne peut pas faire. Et alors cette écoute de la parole folle cette écoute a été, je crois, très importante dans notre culture. Bon, elle a donné naissance à la psychiatrie, elle a donné naissance à quelque chose que je m'obstine à considérer comme la fille de la psychiatrie, c'est-à-dire la psychanalyse. Et je tends beaucoup à dévaloriser, à réduire la distinction à laquelle les psychanalystes tiennent tellement entre leur propre pratique et la psychiatrie. Mais je crois que si on regarde les choses historiquement avec un peu de recul, on s'aperçoit que la psychanalyse dérive assez évidemment de la grande et forte structure psychiatrique mise en place au début du XIXe siècle. Et puis ça a donné cette idée, pratique de l'écoute de la parole insensée, ça a donné un thème qui est, je crois, très très important dans notre culture, qui est le thème du sens. Tout doit avoir du sens. Et même ce qui n'a pas de sens doit en avoir. Et la parole du fou, qui se reconnaît à ceci qu'elle n'a pas de sens, a un certain sens pourtant, mais qui est irréductible aux autres. Alors je crois que beaucoup, une grande part des sciences humaines, n'est-ce pas, est une... Le langage n'est pas maniable sans que, à l'observation, on puisse déterminer une systématique qui sous-tend ce langage. C'est ça. Quelle que soit la forme de ce langage, quelles que soient ses manifestations, aussi monstrueuses, aussi déviantes qu'elles puissent paraître... C'est ça. Et je crois que dans notre civilisation, dans notre type de société, on a une espèce de projet de tout ramener au sens, qui est le fondement, ou le projet, si vous voulez, fondamental de la plupart de ce qu'on appelle les sciences humaines. Trouver partout du sens. Vous trouvez comment naît le sens. Vous trouvez comment fonctionne le sens. Et c'est là l'origine des sciences humaines. C'est pour ça que je crois que la psychiatrie... Et en tout cas, trouver partout des codes. Oui, parce que c'est à partir du code que le sens peut exister. Trouver partout des systèmes, partout des systèmes de systèmes. Voilà. Et en tout cas, imposer à un matériau défini ou supposé défini, imposer à force ce carcan de modèles qui nous exprime à notre époque. Et c'est, je crois, pourquoi la psychiatrie a finalement un rôle très très déterminant dans la naissance, a eu un rôle très déterminant dans la naissance des sciences humaines et continue maintenant à être une pièce fondamentale, si vous voulez, dans tout l'édifice, disons en tout cas dans les soubassements historiques des sciences humaines. C'est pourquoi le problème de l'antipsychiatrie est actuellement un problème qui, je crois, déborde en un sens beaucoup le simple problème du statut de la maladie mentale dans la société. C'est déjà un problème très très important, mais si vous voulez, beaucoup de choses dans notre savoir sont malgré tout liées à ce problème de la folie. J'ai eu l'occasion justement de parler récemment à un spécialiste, je n'ose pas dire à un antipsychiatre, mais certainement à quelqu'un qui met l'accent sur l'antipsychiatrie, encore qu'il se dise psychiatre lui-même, ce n'est pas secret, qui est le professeur Koechlin. Et je voyais au cours de l'entretien que précisément, il était impossible de maintenir... et qu'il ne pouvait pas, dans sa recherche, maintenir la folie dans un terrain déterminé. De toutes parts, les cadres éclataient, et de toutes parts se posaient des questions, et un certain type de questions qu'il y a 50 ans ou un peu plus auraient été réservées aux poètes, par exemple. On va bien jusqu'à dans quelle mesure certains types de folie expriment-ils notre conscience, sont-ils notre conscience? La question de savoir si certains discours tenus pour des discours insensés sont des discours exprimant la conscience sociale est une question qui est devenue une question scientifique, alors qu'au siècle dernier, il aurait été inconcevable de considérer que c'était une question scientifique. On tolérait que ce soit un thème poétique, simplement. Un autre exemple, dans l'hôpital psychiatrique où le professeur Koechlin est médecin-chef, les infirmiers ont eux-mêmes recueilli le résultat de leur expérience quotidienne, ils l'ont mis en forme et ont publié un ouvrage, je parle de l'hôpital de plaisir, n'est-ce pas? Et vous connaissez l'ouvrage, ils l'ont mis en forme et ils ont publié l'expérience des infirmiers. Ce qui montre déjà quelque chose, un changement profond par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire d'un infirmier il y a 100 ans dans l'hôpital psychiatrique moyen où c'était un gardien de prison et parfois féroce. C'est ça. Et vous avez raison de dire que ça change beaucoup. Ça montre tout le changement qu'il y a dans le statut de l'infirmier. Je dirais que ça montre aussi un changement important dans le statut du fou. Parce qu'on disait tout à l'heure que le fou, à partir du 19e siècle, ça s'est reconnu à ce qu'il disait. Mais fallait-il encore savoir dans quelles conditions, comment on recueillait ce langage du fou? C'était dans cette fameuse situation d'interrogatoire. Interrogatoire parfaitement codé et qui était beaucoup plus proche sans doute du discours, de l'interrogatoire du juge d'instruction, l'interrogatoire du policier, que de ce qu'on pourrait appeler un dialogue. C'est absolument certain. Quand le médecin se trouvait en face de quelqu'un qui était soupçonné d'être fou, bien, il y avait un certain nombre de questions absolument codées, absolument rituelles, qu'on lui posait sur sa date de naissance, l'endroit où il se trouvait, la raison pour laquelle il était là, ses parents, ce qu'il faisait. Bon, tout un nombre de questions en un sens banal, mais qui étaient dont on pensait qu'elles permettraient, au niveau des réponses, de repérer où le type était déviant, ne pas connaître ses parents, par exemple, ou énumérer un trop grand nombre d'emplois dans les années précédentes. Tout ça, c'était des signes tout de même qui n'étaient pas très, très bons. Mauvais ouvrier. Et c'était forcément le médecin, et le médecin seul, qui posait ces questions. À partir du moment où on commence à demander à l'infirmier ce qu'il a entendu de la bouche du fou, ou ce qu'il a vu du comportement du fou, vous voyez que les choses commencent à changer beaucoup. L'espèce de rapport de pouvoir qui est établi entre le médecin et le fou, ce rapport de pouvoir à l'intérieur duquel le savoir doit se mouler, eh bien, est en train de sauter. Quelqu'un qui n'a en tout cas moins de pouvoir que le médecin, qui est l'infirmier, ce personnage tout de même très dévalorisé dans les structures médicales du 19e siècle, est considéré maintenant comme susceptible de tendre l'oreille, d'apercevoir quelque chose, d'apporter quelque chose au savoir, et un savoir qui commence à n'être plus entièrement médical, c'est-à-dire un savoir qui n'est plus en tout cas dominé par le pouvoir et le pouvoir exclusif du médecin. Oui, puis il y a une prise de conscience de la part de l'infirmier qui est très considérable, c'est qu'il prend conscience auparavant, disons qu'il y a 100 ans, comme ça, je ne vexe personne, le rapport infirmier-malade est un rapport de force pure. Le discours qui part de l'infirmier vers le malade, c'est un discours qui ne comporte que des ordres. Dans la situation actuelle où nous voyons l'infirmier s'exprimer, l'infirmier prend précisément conscience du fait que les ordres, c'est lui qui les donne vraiment et que le médecin peut s'abriter derrière lui. Oui. L'infirmier s'aperçoit qu'il peut, dans certaines circonstances, être un alibi pour le médecin. Et alors, c'est lui qui se trouve maintenant aux prises avec une difficulté extrêmement grande. Quand un ordre? Sous quelle forme un ordre? Et comment serait-il possible de n'en pas donner? Car l'issue du travail de ces infirmiers, ça a été cela. Alors là, je crois que vous avez raison. Et en effet, dans ce livre, ce qui est frappant, c'est tout le problème des rapports de pouvoir qui s'exercent dans un hôpital. En principe, dans un hôpital, ne devraient s'exercer que des rapports de connaissance. Et en fait, ces rapports de connaissance sont entièrement sous-tendus par des rapports de pouvoir. Et la situation de l'infirmier, surtout de l'infirmier psychiatrique, est très très ambigu, parce que d'un côté, il y a en quelque sorte le modèle du personnage médical, et l'infirmier peut très bien n'être qu'un relais de ce pouvoir médical, être le petit médecin qui surveille, non pas simplement au moment de la visite, mais du matin au soir et du soir au matin, et qui par conséquent peut rendre, s'il reprend en effet à son compte, le personnage médical peut rendre la vie du malade mental encore plus infernale. Bon, mais d'un autre côté, l'infirmier sait très bien, et il éprouve ça quotidiennement, qu'il est l'objet des ordres médicaux, presque autant que le fou. Le malade et l'infirmier sont ceux sur quoi s'exerce le pouvoir médical. De sorte que l'infirmier est évidemment, a toujours une certaine tendance à rejoindre le personnage du fou, du malade mental, rejoindre en tout cas le camp de ceux sur qui s'exerce le pouvoir du médecin. Alors il est pris, je crois, si vous voulez, entre le modèle médical qui lui donne une sorte de petit pouvoir médical, et puis le monde de la maladie mentale, qui est le monde sur lequel s'exerce. Alors, c'est pourquoi, la situation des infirmiers, la prise de parole des infirmiers, est actuellement un des phénomènes importants qui puissent se passer dans la structure psychiatrique, d'une façon générale, dans la structure médicale et hospitalière. Et je crois qu'on peut prolonger un peu la courbe. Le médecin a été sensible au discours du fou. Nous mettons toujours fou entre guillemets, bien sûr. Puis nous voyons que l'infirmier devient sensible à ce discours et que, dans une certaine mesure, il tend à le partager. Alors, on arrive à se demander si, dans une certaine mesure, le statut de la folie ne va pas changer complètement parce que nous allons vers une expression du fou. Est-ce que nous n'allons pas vers l'expression du fou? Est-ce qu'on ne peut pas attendre que quelque chose de constructif sorte, se manifeste de l'état de folie? J'ai l'air de faire du paradoxe. C'est un paradoxe, je ne m'en cache pas. Mais je me demande si néanmoins nous ne voyons pas poindre au moins la nécessité d'examiner. Oui, si vous voulez, j'ai peut-être mal compris ce que vous me disiez. L'idée d'une fécondité de la folie, c'est tout de même une idée qui est assez traditionnelle. Et au fond, je crois que la culpabilité que nous éprouvons tous à l'égard de la folie, d'une façon générale, notre société éprouve à l'égard de ces gens qui excusent, cette culpabilité, on la compense en disant « Oh, mais rien n'est plus près du génie que la folie. » Ouais. Oui, c'est pas ça que dedans, bien sûr. Hein. Il n'en reste pas moins, ils sont peut-être très très près, ouais. Il n'en reste que pas moins qu'il y en a certains qu'on enferme, puis d'autres qu'on n'enferme pas. Et c'est une proximité toute théorique, à mon sens, que celle qu'on reconnaît entre génie et folie. Mais si je comprends bien alors, ou autrement, ce que vous voulez dire, j'y souscrirais bien. S'il s'agit de dire ceci, c'est que la déségrégation du fou, le fait que ce partage qui est constitutif de la folie, le partage soit contesté, mis en question, effacé, que cette surface de limitation devienne perméable entre la folie et la non-folie. Oui, ça, c'est quelque chose qui, en lui-même, peut et est en train, sans doute, de devenir très fécond, très positif. Et là, tout à l'heure, tout à fait en commençant, vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, mais qui m'a tout de même, que j'ai gardée dans la tête, et qui est celle-ci. Vous me disiez, mais comment le réécririez-vous, ce livre, si vous aviez à l'écrire autrement? Ben, je vais vous répondre. Je ne sais pas du tout comment je pourrais le réécrire. Au niveau du contenu historique, là, ces histoires que j'ai racontées sur la genèse de la psychiatrie, la genèse de l'asile, de l'hôpital psychiatrique, je ne sais pas si je changerais beaucoup de choses. Je tâcherais d'être plus rigoureux, bien sûr, etc. Curieusement, jamais personne, depuis ce moment-là, n'a réellement repris le sujet. Jamais personne n'a mis au jour de nouveaux documents, de sorte que je ne vois pas toujours ce qu'on pourrait dire historiquement d'autre que ce que j'ai écrit. Mais il est clair que maintenant, la psychiatrie est entrée dans une crise manifeste, très large crise, qui ne faisait que commencer il y a une dizaine d'années quand j'ai écrit ce livre. Faisait que commencer, à dire vrai, je n'étais même pas au courant que cette crise existait. Je m'étais amusé comme ça à faire un travail proprement historique sur la genèse de la psychiatrie. Et cette genèse, je ne l'avais pas écrite du tout dans une intention agressive. Or, j'étais très frappé, au moment où le livre a paru il y a 10 ans, de voir que les lecteurs psychiatres, la majorité des lecteurs psychiatres, ont considéré que c'était une attaque contre la psychiatrie. Ils ont reconnu l'histoire de leur propre pratique, l'histoire de leur propre savoir. Ils l'ont reconnu comme contestation de leur savoir. Et il y a un lapsus qui est revenu plusieurs fois dans les discours des psychiatres au sujet de ce livre. Ils l'ont souvent appelé l'éloge de la folie. Confusion qui certes me flattait, mais je crois de leur part, venait du fait que Je voulais passer de l'autre côté, que je n'étais pas du leur. Bon, savez-vous, j'ai fait une expérience aujourd'hui. Oui. Avant de venir, j'ai compulsé, je ne donnerai pas des noms, bien entendu, mais j'ai compulsé quelques grands traités classiques de psychiatrie, disons que je n'avais pas regardé depuis leur parution. J'avais examiné au temps de leur parution, que j'avais lu attentivement, auquel même j'avais consacré des émissions, et je les ai regardés aujourd'hui. Il est évident que votre livre ne peut leur apparaître que comme une attaque. Mais, comme une attaque oui, et presque... On ne peut pas penser autrement. Et presque comme une injure. Ah oui, puis c'est une leçon. Et alors, donc ça s'est passé, j'ai été un peu surpris, car ce n'était pas du tout ça mon intention. Or, maintenant que l'antipsychiatrie s'est développée, eh bien, les antipsychiatres mettent en œuvre, au niveau de leur lutte, et de leur lutte à la fois courageuse et dangereuse et très réelle, ils mettent en question, eh bien, justement, toute cette genèse de la psychiatrie que moi j'avais essayé d'étudier d'une façon purement théorique. Et ils ne me doivent rien, ces antipsychiatres. Je ne dis pas ça pour essayer de récupérer l'antipsychiatrie et la traîner de mon côté. Ce n'est pas ça du tout. Je veux dire ceci, c'est que l'approfondissement par les psychiatres eux-mêmes des conditions actuelles de l'exercice de leur pratique, cet approfondissement ne peut pas ne pas les conduire à la découverte des conditions d'exercice, des conditions historiques d'exercice de leur science, d'exercice de leur pratique, d'exercice de leur médecine. Et par conséquent, ils font une critique actuelle des fondements de la psychiatrie qui, d'une façon beaucoup plus radicale, rappelle celle que, d'une façon purement théorique, purement superficielle, purement historique, j'ai essayé de faire. Ce qui fait que le bouquin actuellement, je le réécrirais, si j'avais à le réécrire, certainement à partir de ce qui se passe actuellement, et pas dans cette espèce de solitude et de sécheresse un peu théorique où je me trouvais, lorsque je l'ai écrit, mu seulement par une curiosité historique. Maintenant, je le réécrirais avec des intentions polémiques, des intentions critiques, des intentions d'attaque, autrement plus claires que lorsque je l'ai écrit. Voilà. Autrement dit, je me mettrais directement à l'école de ce qu'on a appelé grossièrement l'antipsychiatrie, en tout cas, je me mettrais à l'école de toute cette contestation actuelle, pratique, effective de la psychiatrie. Je vais réécrire le livre. Voilà. Je dois dire que il y a quelque chose qui vient tout de même à la décharge des psychiatres. Peut-être pas en ce qui concerne leur pratique, mais en ce qui concerne leur vue sur la folie. Si on pense au moment auquel on a commencé, justement, dans tout le groupe des déviants, comme vous le disiez tout à l'heure, à distinguer le fou et à institutionnaliser, en quelque sorte, la folie. Ça se passe au moment où on vient de découvrir les merveilles de la classification dans le domaine de la botanique et où on est en train d'édifier la classification dans le domaine de la chimie. Ça a merveilleusement bien marché dans le domaine de la botanique et c'est en train de merveilleusement bien marcher dans le domaine de la chimie. Alors je me demande s'il n'y a pas eu un glissement de l'esprit et si on n'a pas, sans même y penser, je n'accuse pas du tout les psychiatres d'avoir emprunté à la botanique et emprunté à la chimie, attention, ni d'avoir emprunté aux méthodes de l'une ou de l'autre. Mais pourquoi vous ne les accuseriez pas de cela, puisqu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait très explicitement, il n'y a pas à les en accuser. Vous savez, c'est très difficile de dire le premier, mais enfin, bon, on parle toujours de Pinel. Or, Pinel avait un maître. Ce maître, c'était Boissier de Sauvage. Et Boissier de Sauvage, c'est l'individu qui a, d'une façon très explicite, il l'a dit tout au long de son œuvre, voulu appliquer la méthode de Linné au domaine de la maladie en général et, d'une façon plus particulière, au domaine de la maladie mentale. Il y a une correspondance entre Boissier de Sauvage et Linné. Bon, je suis content que vous me fassiez retirer le mot accusé. Alors, par contre, historiquement, c'est absolument vrai ce que vous dites. Mais le modèle classificatoire a joué. Voilà, c'est justement, il faut penser à ce qui apparaissait comme une nécessité intellectuelle et ce qui en même temps était le piège le plus grave. Mais comment l'esprit aurait-il pu procéder autrement? Alors, on peut se demander en quoi ça a été un piège, mais je crois que ça a été un piège en ceci que la classification qui était un jeu spéculatif efficace dans le domaine de la botanique, enfin relativement efficace, cette classification a servi en fait dans la psychiatrie à des fins qui étaient de défense sociale. On ne classait pas tellement pour mettre en ordre, comme faisait Linné en psychiatrie, on classait pour exclure, on classait pour désigner le désordre. Et c'est en cela que ça n'a pas joué du tout de la même façon. Oui, parce que sur le plan théorique, la classification est partie ensuite vers la connaissance. On a classifié pour exclure, mais on a été amené très rapidement à classifier pour savoir. Et ça n'a pas accru très très vite l'ordre des connaissances que cette classification. Vous voulez dire dans la psychiatrie? Oui. Oh, ben, ça n'a servi. Enfin, si, ça a beaucoup servi. Ça a beaucoup servi à la pratique psychiatrique. Ça a servi à toute la pratique de l'internement, c'est vrai. Mais au niveau du savoir réel de la folie... Et puis ça s'agit d'un homme que l'on soigne. Ça a servi à très peu de choses. Ça a servi à très peu de choses. Ça a été, jusqu'à un certain point, une manière d'ignorer, une manière de ne pas savoir. Savez-vous qu'il y a une chose qui serait très intéressante, c'est de faire la statistique des traitements différents appliqués dans l'hôpital psychiatrique moyen. Voilà, faire cette enquête de manière précise, je crois que ça serait très utile. Combien de types de traitements différents applique-t-on? Je crois qu'on serait amené à considérer que les familles de traitements appliqués sont extrêmement peu nombreuses. Autrement dit, on est toujours dans la classification rudimentaire. Bah, vous savez, produit A, produit B, produit C est sorti de là. Quand mon Dieu, finissais il n'y a pas grand-chose. Mes études. Je me souviens avoir visité un grand hôpital du nord de la France, à Bayeul, c'était, où il y avait alors des milliers de malades, je ne sais plus, 2000, 2005, 3000, je ne sais plus, c'était énorme. Et je me souviens avoir posé au psychiatre qui était là la question, mais quel traitement pouvez-vous faire à ces gens-là? Il me répondait, les panaries et les angines. C'est-à-dire que, non seulement, vous dites il y a très peu de traitements, de types de traitements, dans le grand hôpital type Bayeul ou sans doute Maréville à cette époque-là, etc., eh bien, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait que le traitement médical moyen d'une population ordinaire. Et, les gens qu'on médicalisait, on les médicalisait avec l'électrochoc, et maintenant avec la chimiothérapie, mais vous avez raison. Pas tellement longtemps qu'un psychiatre avec qui je bavardais m'a dit, mon cher, qu'est-ce que vous voulez? Il y a la cavalerie pour tout le monde, puis il y a ceux qui ont de l'argent. Mmh. Alors, c'est bien dire que l'éventail des connaissances n'est pas encore très ouvert, mais qu'au niveau de la thérapeutique, alors cet éventail est étrangement fermé. C'est certain. C'est certain. Et enfin, pour en revenir là, puis à ces problèmes historiques, actuellement, il est très certain, enfin, il me semble, que l'on traverse une crise historique très réelle, très profonde de la pratique psychiatrique. Une crise qui est peut-être aussi importante que la crise qui a fait naître la psychiatrie à la fin du XVIIIe siècle, qui va peut-être la faire disparaître actuellement, ou en tout cas qui va peut-être permettre dans les quelques dizaines d'années une insertion tout autre, un rapport tout autre plutôt, de ce qu'on appelle la raison avec ce qu'on appelle la folie. Et c'est dans cette mesure-là que le livre qu'on réédite actuellement, en un sens, il est tout à fait dépassé. Il était là, il a été écrit à l'origine de la crise, au moment où elle pointait à peine. La crise est maintenant développée. Dans 10 ans, elle sera encore plus large. Ou peut-être même sera-t-elle déjà terminée, je n'en sais rien. Je reviens au début de votre livre. Je vous avais posé une question, puis nous nous sommes écartés. Et vraiment, je tiens à la poser. Pourquoi avez-vous été si sensible à l'image de la nef des fous? Parce que je crois que ce thème de la nef des fous indiquait bien, finalement, quel était, à cette époque-là, ce à quoi les gens étaient le plus sensibles dans la déviance. C'était le phénomène de la transhumance, le phénomène du nomadisme. À la fin du XVe, début du XVIe siècle, les populations à la fois bougent beaucoup, mais déjà commencent à se stabiliser. Un certain phénomène d'urbanisation qui se répandait en Europe à cette époque-là, appelait certaines implantations de la population. Alors, le déplacement, l'errance, la transhumance a été commencé à cette époque-là à être perçu comme le signe en quelque sorte négatif. Bon, ce ne l'est devenu tout à fait que beaucoup plus tard. C'est au XIXe siècle que le fait d'être nomade, le fait de se déplacer, le fait de bouger, de n'être jamais au même endroit, a été, dans nos sociétés, en Europe, un signe absolument négatif. Mais il me semble que dès le XVe, XVIe siècle, ça commence à apparaître. L'étranger, celui qui arrive d'on ne sait où, qui vient de nulle part et qui ne va de nulle part, était un personnage quasi sacré au Moyen-Âge. On l'accueillait comme l'hôte auquel on n'avait rien à demander et auquel on devait tout. On n'avait aucun droit sur lui, il avait presque tous les droits sur vous. Il s'installait, il était là, bon, et puis il repartait. Or, à partir du XVe, XVIe siècle, ce personnage de l'errant commence à devenir un peu négatif, rempli d'ombre, et je crois que la Nef des Fous signale ce passage du positif au négatif en ce qui concerne le personnage de l'errant, du transhumant, du nomade. D'ailleurs, actuellement, nous repasserions dans une certaine mesure du négatif à un autre type de positivité. Je dis bien un autre type de positivité parce que celui qui se déplace actuellement n'est plus cet étranger sacré. Mais le déplacement dans pas mal de sociétés est en train de reprendre une certaine valeur. Oui, mais quand ça, il a une motivation économique. Oui, mais il ne faut pas non plus de confondre déplacement et voyage. Vous savez, le voyage... Ah, mais je pense à l'errance professionnelle. Ah oui. Celui qui va de là à là, puis là, puis là. Ce qui existe, je crois que nous en parlions récemment lors de cette émission, aux États-Unis, par exemple. Oui, seulement alors, aux États-Unis, l'errance a pu rester un phénomène positif, un phénomène valorisé, dans la mesure où quitter son travail, c'était aller trouver ailleurs, à la frontière, un nouvel emplacement, un nouveau territoire, une nouvelle richesse. Dans les pays déjà un peu surpeuplés, déjà pleins de l'Europe, l'errance ne pouvait pas avoir cette fonction-là. Quelqu'un que l'on ne pouvait plus supporter, eh bien, il fallait ou l'enfermer sur place, ou alors l'expédier franchement de l'autre côté de la frontière, ou de l'autre côté de la mer, et c'était la colonisation. Et celui qui partait comme colon était en lui-même, même si un jour il devait revenir riche et chargé de positivité, quand il partait, c'était tout de même un personnage qui était un peu douteux. Je me souviens encore, quand j'étais enfant, avant la guerre, les garçons de mon village, tel ou tel garçon qui partait pour Madagascar. Partir pour Madagascar, c'était pas un très bon signe. Quand j'étais enfant, j'ai entendu dire pour quelqu'un qui était revenu des colonies, il s'est racheté, il a réussi. Voilà, c'est ça. Je me rappelle avoir entendu dire ça. Voilà. Alors, je crois que là, du 16e au 19e, 20e siècle, l'errance, le déplacement n'a pas cessé d'être de plus en plus négativisé. Et alors, au 19e siècle, c'est surtout à ce moment-là, n'est-ce pas, que le déplacement est devenu presque un interdit, au moment où on a créé ces fameux livrets pour ouvriers, qui faisait que plus un ouvrier passait en des endroits différents, plus il passait sous des maîtres différents, moins il était coté, plus il devenait un personnage douteux et dangereux. Alors la Nef des Fous, c'est ça, le premier signe peut-être de la dévalorisation du déplacement. Monsieur Michel Foucault, professeur au Collège de France, parlait de son livre « Histoire de la folie à l'âge classique », édition Gallimard, collection Bibliothèque des histoires.